Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la Magna Carta, la Grande Charte de 1215 et les origines de la démocratie libérale. On va s'emparer même physiquement de la personne du roi. On va l'amener dans une prairie à l'extérieur de la ville d'Oxford et on va lui imposer un document. On va lui imposer de signer une sorte de contrat social avant la lettre. Disons. On dirait aujourd'hui le fusil sur la tempe. Oui, plus ou moins. Ou l'épée sur le cœur. Ouais. Alors, c'est la fameuse Grande Charte, la Magna Carta, qui est la base de tout le parlementarisme britannique. En écoutant l'historien Georges Langlois au micro de Mario Proulx à l'émission L'Histoire aujourd'hui en 1997, on comprend bien que c'est sous la contrainte, au sens figuré à tout le moins, que Jean Santerre va signer cette fameuse Grande Charte, la Magna Carta, le 15 juin 1215. Le roi Jean ne va d'ailleurs pas tarder à renier en quelque sorte sa signature et à se défaire des obligations que lui imposait la Grande Charte. Rapidement écartée par le roi Jean, la Grande Charte n'en deviendra pas moins au fil du temps, ce qu'on considère aujourd'hui encore être le grand document fondateur des démocraties libérales. Magna Carta, issued by King John of England 800 years ago, right here at Runnymede. La Magna Carta, endossée par le roi Jean il y a 800 ans ici même à Runnymede, établit pour la première fois le principe que tous, y compris le roi, sont soumis à la loi. The principle that everybody, including the king himself, was subject to the law. The site chosen for this negotiation was significant. Le site choisi pour ces négociations est significatif parce qu'il représente un compromis. Il se trouve à mi-chemin entre les résidences des barons à Londres et celles du roi à Windsor. C'est ici que le roi d'Angleterre a accepté plusieurs demandes révolutionnaires. Les plus connues sont la clause 39, qui accorde le droit aux hommes libres d'avoir accès à un procès juste, et la clause 40, qui garantit la justice pour tous. Extrait d'une vidéo produite par la National Trust Charity, l'organisme qui s'occupe du site historique de Runnymede en Angleterre, là où a été signée la fameuse Magna Carta le 15 juin 1215. Pour nous parler du contexte dans lequel va être signée justement cette grande charte en 1215, de l'importance aussi qu'on va lui donner, surtout à partir du 17e siècle, j'accueille Michel Hébert, qui est professeur d'histoire à la retraite de l'Université de Montréal. Michel Hébert, bonjour. Bonjour. Cette Magna Carta, elle est effectivement devenu un petit peu le grand texte fondateur de toutes les libertés modernes, Michel Hébert. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait de ce document-là un document si important dans nos vies aujourd'hui? Dans nos vies aujourd'hui, ce qui a fait l'importance, probablement, c'est le fait que depuis justement 800 ans, on a fêté le 8e centenaire en 2015, les principes qui sont contenus dans cette Magna Carta ont été toujours de plus en plus renouvelés, développés, consolidés, et ils existent de façon originelle, on va en parler tout à l'heure, de façon assez embryonnaire, dans certains cas, même un peu anecdotique, mais en n'ayant jamais complètement disparu, puis en s'étant développé dans la civilisation occidentale, et puis en dehors même du monde occidental, à partir du 20e siècle, à travers l'insertion de plusieurs de ces principes-là dans la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, devenue important, une espèce de charte qui est aujourd'hui de classe mondiale, en quelque sorte, dans la mémoire qu'elle évoque. Donc, l'idée de charte, la première des grandes chartes, c'est celle-là, l'idée de des concepts comme, puis on va y revenir, mais comme l'état de droit. On dit que c'est là où, pour la première fois, peut-être, ça apparaît. Ce qui va, évidemment, dans le contexte de 1215, mais il y a comme le germe de ce que va devenir éventuellement, de ce qu'on va devenir des concepts aussi importants que l'état de droit, la responsabilité gouvernementale, c'est ça un petit peu, la Magna Carta. C'est ça. On élargit un peu, des fois peut-être un peu trop. Vos extraits parlaient de démocratie libérale. C'est peut-être un tout petit peu exagéré. On pourrait y revenir aussi. Ou à l'origine du parlementarisme, par exemple, c'est aussi un petit peu exagéré. Et c'est intéressant d'y revenir parce qu'on a longtemps dit qu'une des clauses de Magna Carta était fondatrice du Parlement d'Angleterre, qui lui-même se dit, c'est longtemps prétendu, comme la mère de tous les parlements, donc fondateur de la démocratie libérale ou de la monarchie parlementaire à travers le monde. Tout ça est à la fois un peu vrai et un peu faux, dépendant de la manière dont on l'interprète. Donc, c'est intéressant de retourner au texte et de voir finalement dans quelles circonstances, ce qu'il était au départ, ce qu'il est devenu par la suite, ce qu'on en a fait. Et puis, on peut voir que ça soit au 13e, ensuite au 14e, ensuite au 17e siècle, et puis finalement au 19e, au 20e siècle, on en a fait des lectures différentes, mais toujours de plus en plus solides, toujours qui avaient tendance à consolider, à préciser, puis à consolider, à ancrer dans une sorte de sacralité ces principes-là, qui sont principes de liberté individuelle puis de défense de l'individu contre les abus du pouvoir, quel qu'il soit, pouvoir monarchique, pouvoir étatique aujourd'hui, pouvoir tyrannique éventuellement. Ouais. Alors parlons du contexte d'abord. On va voir dans quel contexte, parce qu'à l'époque, évidemment, il y a ce que c'est devenu dans notre imaginaire collectif, mais il y a ce que c'était vraiment et dans quelles circonstances on va en arriver à cette Magna Carta en 1215. Dans quel contexte, justement, on en arrive à ce texte-là? Alors, en 1215, on est en Angleterre. Le roi d'Angleterre, Jean Sans Terre, qui est le cinquième fils du roi Henri II. Jean Sans Terre, on l'appelle depuis son temps, d'ailleurs, Jean Sans Terre, parce qu'il n'était pas destiné à gouverner. Étant le cinquième fils, normalement, ça aurait été le fils aîné, puis ensuite le deuxième, le troisième, etc. Mais tous sont morts avant lui, dont son frère Richard Cœur de Lion, oui, qui était allé à la troisième croisade, qui est mort au retour de la troisième croisade. Et donc, Jean Sans Terre, première remarque, il n'était pas destiné à gouverner, il n'avait pas reçu une éducation princière, il n'était pas préparé à exercer ses responsabilités-là, d'où le fait que l'historiographie l'a souvent accusé d'être cruel, tyrannique, violent, donc d'avoir peut-être un peu moins de préparation pour le gouvernement. Ensuite, dans le contexte de l'époque, un autre élément absolument fondamental, l'Angleterre, à l'époque, possède non seulement ce qu'on appelle aujourd'hui l'Angleterre, mais la moitié du royaume de France, oui, tout ce qui est à l'ouest de Paris ou presque, de la Normandie jusqu'aux Pyrénées, en passant par l'Aquitaine, par le Poitou, par l'héritage du mariage d'Henri II avec Éléonore d'Aquitaine. Oui. Et ces possessions-là, qui faisaient de l'Angleterre une monarchie extrêmement puissante, extrêmement riche aussi, sont menacées, sont en voie d'être perdues. La Normandie a été perdue, a été récupérée par le roi de France, Philippe Auguste. Et le roi d'Angleterre a été obligé de lever des armées, d'aller sur le continent, de se battre pour essayer de conserver ses possessions-là. Ouais. En 1214, l'année d'avant la Grande Charte, grande défaite de Jean Sans Terre à la bataille de Bouvines, qui est une bataille fondamentale, évidemment, pour l'histoire de France, parce, oui, que c'est une victoire de Philippe Auguste, mais c'est une défaite cuisante pour le roi Jean, qui revient au pays avec perte de pouvoir, perte de possession, perte d'influence, donc, de toute sa noblesse, et puis endettement considérable, puisque ces guerres ont coûté extrêmement cher, ouais, et que pour les financer, il a dû faire ce que les rois, à l'époque, ne font pas ou font très peu, s'épuiser dans la poche de leurs sujets pour aller chercher des impôts nouveaux qui n'ont pas encore d'existence légale. Ouais. On est à une époque où on dit le roi doit vivre du sien, c'est-à-dire le roi doit vivre du revenu de ses propres domaines, de ses propres châteaux, puis l'argent du peuple, ben, il reste au peuple à moins de circonstances absolument exceptionnelles. Ouais. Et là, Jean est dans une situation extraordinairement fragile. Donc, il va chercher dans la poche de ces sujets, mais en fait, faut mettre les choses en perspective. Les sujets dont on parle, ceux qui vont se révolter en quelque sorte contre le roi, c'est ceux qu'on appelle les barons. Les barons, c'est eux qui ont eu le plus à souffrir en quelque sorte. Ils ont souffert physiquement. Il y a des pertes en vie humaine, évidemment. Ils ont souffert en argent par la perte de revenus considérables par rapport à ces domaines qu'ils avaient dans le royaume de France. Et ça, c'est l'establishment, en quelque sorte. Oui. Ouais. Et puis un élément dont je n'ai pas parlé, qui paraît accessoire aujourd'hui, mais qui est très important à l'époque, Jean est aussi en querelle avec l'Église. L'Église est en train de consolider son pouvoir. On est à l'époque du pape Innocent III, qui est un principaux fondateurs de la théocratie pontificale, de l'intervention des papes dans la vie civile, publique, de tous les royaumes d'Europe. Et puis, les rois d'Angleterre étaient habitués de nommer eux-mêmes, ou enfin d'avoir une influence prépondérante sur le choix des archevêques de Canterbury, qui sont les primats de l'Église d'Angleterre. Ouais. Innocent III intervient et dit « Non, non, non, c'est moi qui décide. » Et il force la nomination d'Étienne Langton comme archevêque de Canterbury, ouais, ce qui a le don de déplaire souverainement au roi Jean Sans Terre. Donc, il y a aussi le haut clergé contre lui, donc la noblesse contre lui, le haut clergé contre lui. Et ces barons sont les barons laïcs et ecclésiastiques, ouais, finalement. Et tout ça, ce mécontentement-là, cette position de faiblesse de Jean Sans Terre va faire qu'il sera contraint, en quelque sorte, de signer... Parce que la levée d'impôts, c'est probablement la goutte qui fait déborder le vase. Et donc, ces fameux barons, entre autres, vont le contraindre à signer cette Magna Carta le 15 juin 1215. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Alors, c'est là qu'on en arrive, donc ce 15 juin 1215, à la rencontre des barons en révolte ouverte contre le roi, une rencontre de pacification, en quelque sorte, où les barons présentent des articles de leurs revendications et que le roi, ayant perdu toute forme d'influence, est obligé de signer. Donc, contraint, effectivement, l'épée sur le cœur, en quelque sorte, et forcé de signer une charte qu'on appelle, dès cette époque-là, Grande charte, Magna Carta. Mais à l'époque, ça ne signifie pas qu'elle est grande à cause de ce qu'elle apporte au patrimoine de l'humanité. Elle est grande parce qu'elle est très longue. Oui. Elle est très longue, elle contient 63 articles. Et puis, elle est plus longue qu'une autre charte signée à la même époque, qu'on appelle la charte de la forêt, qui est plus courte. Et donc, la Magna Carta, c'est celle qui est plus longue que l'autre, qui contient un très grand nombre de clauses. Oui. Elle est extrêmement importante. Elle est perçue comme ça à l'époque aussi, tellement solennelle qu'on veut, dans son dernier article, il est prévu qu'une copie de cette charte sera placardée sur les portes de toutes les églises, de tous les évêchés, en fait, de toutes les cathédrales d'Angleterre, afin qu'elle soit connue de tous, laïque et ecclésiastique, et qu'elle soit donc respectée. Oui. Il existe encore quelques exemplaires originaux de cette charte-là, Michel Hébert. De celle de 1215, il reste 4 exemplaires originaux. On les a ressortis, évidemment. On les a exposés en Angleterre il y a 4 ans, à l'occasion du 8e centenaire. 2 sont aux Archives nationales à Londres et 2 sont encore conservées dans les archives de cathédrales, une à Salisbury et l'autre, je ne me souviens plus, à Coventry, je pense, peu importe, sont les exemplaires de cette première charte de 1215. Ce sont des monuments extraordinairement précieux, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette fameuse charte, cette fameuse Magna Carta, quand on regarde son texte? Alors, ce qu'elle dit, c'est ce qui peut paraître surprenant quand on lit le texte article par article, c'est que ça n'a rien à voir avec ce qui serait une charte aujourd'hui, par exemple notre charte des libertés. Ça n'a rien à voir avec une constitution. Ce n'est pas, il n'y a pas de volonté de codification, il n'y a pas de volonté de systématisation du droit. C'est quelque chose qui échappe à l'esprit du Moyen Âge, qu'on ne verra pas avant le 18e ou le 19e siècle. Il n'y a pas de volonté non plus de constitutionnaliser, c'est-à-dire il n'y a pas de volonté de faire un document légal qui serait au-dessus des autres lois ou au-dessus des autres principes. C'est simplement la réponse à des griefs, des remontrances, qu'on appelle à l'époque aussi des pétitions de la noblesse, qui sont amenées une après l'autre. On a l'impression à lire le document au hasard de ce qui leur passe par l'esprit. Il y a un côté liste d'épicerie là-dedans. Il y a un côté liste d'épicerie, un peu trivial parfois. Il y a une clause sur la protection des limites des forêts royales, par exemple. Il y a une clause qui est une promesse d'enlever les barrages à poissons sur certaines rivières. Ouais. Une clause de protection des droits des femmes, de ne pas obliger les femmes à se remarier pour pas que leur patrimoine passe en des mains autres que leur famille d'origine. Ouais. Donc, toutes sortes de choses comme ça. Mais à travers, au fond, cette liste d'épicerie, pour reprendre ce terme, il y a quand même quelques articles précis qui, pour le temps, vont très, très loin. Ces articles, au fond, dont on dira qu'ils sont les bases de notre démocratie libérale, avec les bémols qu'on peut apporter. On écoute à ce sujet Jordan Arletaz, qui est professeur de droit public à l'Université Montpellier 1, à l'émission Du grain à moudre, diffusée à France Culture en juin 2015. La Magna Carta figure parmi les premiers textes qui posent le principe d'une antériorité du droit et donc d'une soumission du pouvoir politique à ce droit. L'autre élément qu'on va beaucoup retrouver dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qui marque déjà cette période, ce sont les deux principaux thématiques en fait qui concernent la Magna Carta. Au niveau de l'arbitraire, c'est-à-dire le droit pénal. Ce sont les prémices de l'inscription d'une procédure qui permettrait d'éviter les arrestations arbitraires, les jugements sans droit de la défense, etc. Donc toute la matière pénale et la matière des impôts aussi. L'idée d'un consentement, soit via le Parlement, soit via les citoyens du consentement à l'impôt. En revanche, dire que c'est le premier texte moderne, on est sur un texte qui, au niveau de sa rigidité, de sa capacité à s'imposer au pouvoir politique, est encore très faible en 1215. Alors revenons sur ces quelques articles fondamentaux qui ont encore une résonance aujourd'hui, Michel Hébert, contenus dans la Magna Carta. Il y en a 3, en fait. Quels sont-ils, ces articles-là? Alors, je vous les donne par les numéros, parce que c'est convenu. On est dans un texte juridique. L'article 12. Aucun impôt nouveau ne sera levé sans le consentement de la communauté du royaume. Évidemment, la communauté du royaume, elle n'est pas clairement définie encore. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas tout à fait le Parlement. Ouais. Mais c'est cette idée qu'il faut réunir un certain nombre de personnes pour obtenir le consentement des barons. dans ce... Des barons à l'époque, évidemment, ouais. Puis le Parlement va se démocratiser plus tard. Mais c'est le début quand même, par extension en tout cas, l'idée qu'un groupe doive approuver des impôts, c'est le début, le germe du parlementarisme. Absolument. On peut dire ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Donc l'article 61 aussi. L'article 61, un comité de sécurité de 25 barons pourra saisir les biens du roi s'il ne respecte pas ses engagements. Alors, ici, on a une garantie politique quand même absolument extraordinaire de contrôle de la royauté par un comité. Peu importe le comité, à l'époque, 25 barons, ils ne sont pas élus. Ce n'est pas encore de la démocratie, mais c'est l'idée d'un contrôle de la monarchie, d'un contrôle de l'arbitraire du pouvoir royal qui paraît fondamental, qui va devenir récurrent. Cette clause-là va disparaître, on va le dire dans un instant, mais ce n'est pas grave. Elle est là, elle a été rédigée une première fois. Et ce qui est un peu, si on essaie de comprendre tout de suite, là, le germe de ce qui deviendra éventuellement avec des gens qui éventuellement seront élus, mais le pouvoir, en fait, qui est redevable, qui est la responsabilité des élus, c'est un petit peu ça. Exactement. Responsabilité du roi devant un organisme quelconque. Et puis le troisième, le numéro 39, c'est le plus célèbre probablement, c'est celui qui garantit qu'aucun homme libre ne sera emprisonné ou condamné sans un jugement légal de ses pairs, qui est à l'origine des libertés politiques en général, mais plus proprement, on en fait généralement la première expression de ce qui deviendra l'habeas corpus. Ouais. Nul ne peut être détenu sans avoir des accusations qui soient portées contre lui. Le droit à un procès juste et équitable, ouais. Etc. Tous ces éléments-là sont en germe dans l'article 39. C'est d'ailleurs le seul, ou presque le seul article de cette grande charte qui soit encore considéré comme n'ayant jamais été abrogé, ouais. Et faisant partie du corps des statuts en Angleterre qui sont l'équivalent anglais des constitutions modernes. Et les fondements, le fondement en fait de l'État de droit, c'est oui. Un peu ça, oui. Cet article-là. Ce qui est intéressant, on va revenir au contexte dans lequel est signé le document. Très vite, Jean Santerre va en quelque sorte renier sa signature, va désavouer ce document-là, mais très peu de temps après, il va mourir. Dans ce contexte-là, que va devenir la Grande Charte? Alors, dès qu'il est de retour à Londres, il renie, il dit que ça lui a été extorqué de force, qui est un peu vrai d'ailleurs. C'est un rapport de négociation où il était en position de faiblesse. Son fils qui prend le pouvoir émet une nouvelle charte en 1225 qui est une confirmation de celle de 1215, mais beaucoup plus brève. Et puis, notamment, qui ne reprend pas ni le 12 ni le 61 sur les garanties politiques ou fiscales, ouais. Ne reprend que la garantie de l'habeas corpus. Puis ensuite, il y aura d'autres concessions, élargissement au cours du 13e siècle, une confirmation de 1297 qu'on considère souvent comme la première vraie confirmation des grands principes de la Grande Charte. Mais les éléments, peut-être le plus important dans tout ça qui n'a jamais disparu, c'est cette affirmation de la notion d'une communauté du royaume, c'est-à-dire une possibilité d'une parole publique de la part du peuple de façon organisée ou structurée en face du roi. Ça devient progressivement le Parlement. Déjà à la fin du 13e, au 14e siècle, c'est clair que c'est cette communauté du royaume, c'est le Parlement qui porte sa voix, ce qui n'était pas le cas en 1215. Oui. Mais les fondements ont été là. Mais c'est vraiment... donc, elle va évoluer, mais c'est vraiment au 17e siècle où cette grande charte, la Magna Carta, devient cette espèce de grand document incontournable qu'elle est devenue. L'avocat Edward Coke va jouer un rôle central dans cette entreprise de sacralisation, en quelque sorte, de la Magna Carta. On écoute à ce sujet le professeur d'histoire à la Royal Holloway University de Londres, Justin Champion. Magna Carta becomes, if you like, the white noise of political discourse throughout the 17th century. La Magna Carta devient le point central du discours politique de l'Angleterre du 17e siècle. Au début de ce siècle, de grands avocats constitutionnels comme Sir Edward Coke ont utilisé la Magna Carta dans des luttes juridiques techniques qui opposaient les droits des individus à la prérogative tyrannique du roi. À la fin du siècle, après être passée par la turbulence de la Révolution anglaise, où elle a été utilisée pour justifier la résistance à toute forme d'autorité, la Magna Carta est devenue la colonne vertébrale du fonctionnement du gouvernement au Royaume-Uni. Magna Carta has become, if you like, the statute that underpins the ancient constitution and the legitimacy of proper government in the UK. So Edward Coke is really responsible for turning what was a rather dull mainstream legal document. C'est grâce à Sir Edward Coke que ce document technique est devenu un texte qui légitimait la résistance à la tyrannie des rois James Ier et Charles Ier. L'argument principal était que la Magna Carta protégeait les libertés, les vies et les propriétés des hommes libres. À la fin du siècle, cette grande charte est devenue un grand mythe pour le public. Pour être légitime, il fallait l'inclure dans n'importe quel argument défendu sur la place publique. That if you want legitimacy in terms of public debate, you have to anchor it to your project. C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre, Michel Hébert. La fabrication d'un mythe, c'est l'expression qu'utilise l'historien Justin Champion. Et c'est pourquoi Edward Coke, donc au 17e siècle, qui va sacraliser ces documents-là. Oui, absolument. Dans le mouvement, il faut se replacer au début du 17e siècle. On est à l'époque de la dérive absolutiste du roi d'Angleterre, Charles Ier, qui avait instauré la loi martiale, qui avait levé des impôts sans le consentement, alors que le principe du consentement, il était revenu, il était là, mais tout à coup, le roi s'en était dispensé de sa propre volonté. Et c'est dans les plaidoiries d'Edward Coke, dans ses représentations, à travers la Petition of Right en 1628, qui sera confirmée par la suite au cours du siècle, qu'on a cette espèce de passage de la notion de des libertés au pluriel qu'il y avait, la liberté de ceci puis la liberté de cela, à la liberté en général, une espèce de liberté universelle. Et puis cette idée de liberté des nobles, qui était celle du Moyen-Âge, ou des gens libres, à une liberté aussi de tout le monde. Ouais. Fini le servage, fini toutes ces restrictions aux libertés. Puis ça sera plus tard, au 19e, au 20e siècle, aussi liberté des femmes, liberté des minorités. Et donc, il y a l'universalisation, généralisation, puis universalisation des principaux principes de la Grande Charte qui vraiment prennent racine à travers Edward Coke et beaucoup d'autres. Mais enfin, Coke reste effectivement celui qui l'a exprimé avec le plus de clarté. On va essayer de se réclamer de ce symbole-là au fil du temps. Les Américains, on dit qu'il y a une filiation assez directe là, entre l'indépendance. Pendant la Révolution américaine, évidemment, on se protestait contre le fait que les colonies n'étant pas représentées au Parlement de Londres, quand Londres exigeait des impôts sur le commerce, sur la laine, sur le droit de timbrage des papiers, des choses comme ça, eh bien, les Américains ont dit « no taxation without representation », c'est-à-dire pas d'impôt sans consentement. Et ils se sont fondés sur quoi? Bien, la Grande Charte. Qu'est-ce qui reste comme trace au 20e siècle de cette Grande Charte? La Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948. Et puis, plus près de chez nous, la Charte québécoise des libertés, article 32, garantie d'habeas corpus. La Charte canadienne des libertés, article 9 et 10, garantie d'habeas corpus. Il y a un certain nombre d'autres principes, mais on retient souvent comme le plus important, finalement, du point de vue des dérives éventuellement judiciaires des États tyranniques, ces principes de liberté individuelle à travers l'habeas corpus. Il y a beaucoup plus que ça dans la Grande Charte, dans ces grands principes, mais celui-là est celui, peut-être, qui reste le plus visible, en quelque sorte, comme un souvenir, un héritage médiéval de cette volonté de liberté des gens du Moyen-Âge, de contractualiser les rapports de pouvoir aussi. Michel Hébert, c'était fascinant, professeur d'histoire à la retraite de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique Pierre Dulon. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.